Chapitre 2e, le bal des débutantes. L'hôtel de Jarre, imposante demeure, érigée en 1714 dans le faubourg Saint-Honoré par l'architecte Pierre Grandhomme, se dressait avec une majesté intemporelle devant le comte Victor Coisil d'Avron et son cousin, le baron Arnaud le Grisier d'Herbauges. La façade, entièrement en pierre sculptée et ornée de ferronneries finement ouvragées, semblait être un témoin silencieux des fastes passés. À travers les hautes fenêtres, on devinait un intérieur richement décoré de boiseries patinées, tandis que de longs rideaux de velours bleu, brodés d'or, encadraient les croisées. La lumière tamisée des lustres en cristal de bohème conférait à l'ensemble une aura à la fois mystérieuse et grandiose, un écrin parfait pour accueillir l'un des événements mondains les plus attendus de l'aristocratie française. Victor et Arnaud tenaient entre leurs mains leurs invitations, le précieux bristol blanc, orné d'arabesques dorées et d'un lys stylisé. Ces élégants sésames, convoités par tous, promettaient une soirée placée sous le sceau de siècles de tradition où chaque détail et chaque regard résonneraient d'une élégance intemporelle. Victor, d'un geste machinal, ajusta son papillon. S'il s'était laissé entraîner ici, c'était moins par curiosité que par devoir, une concession discrète à ses parents. Pourtant, l'idée même de participer à ce qu'il considérait comme une parade nuptiale déguisée lui arrachait un sourire crispé. Derrière cette façade polie, il laissait transparaître un ennui profond, presque palpable. À ses côtés, Arnaud, au contraire, débordait d'un enthousiasme désinvolte. Habitué de ce genre de soirée, il affichait une mine réjouie, ses yeux sombres pétillant d'une insouciance soigneusement maîtrisée. Sa chevelure brune, impeccablement lissée, et sa moustache fine lui donnaient des airs de Don Diego de la Vega, mystérieux et charmeur. L'escalier d'honneur, majestueux et drapé d'un tapis écarlate, menait à une salle de réception et à des salons privés où se rassemblait la fine fleur de la jeunesse aristocratique française. Au sommet des marches, deux figures incontournables des galas de ce genre attendaient pour accueillir les invités. La princesse Hermione de Clermont-Lérault, incarnation de la grâce et de l'aristocratie française, se tenait droite, son sourire délicat et précis évoquant un dessin à l'encre de Chine. À ses côtés, Stéphane Bern, dont la présence charismatique illuminait chaque événement mondain, arborait un enthousiasme sincère, amplifié par ses manières chaleureuses et son œil pétillant. « Cher comte, cher baron, soyez les bienvenus !» déclara la princesse, sa voix teintée d'une courtoisie irréprochable. Arnaud, avec un sourire charmeur, s'inclina pour déposer un baisement élégant sur la main gantée de l'hôtesse. Victor, quant à lui, salua avec une courtoisie mesurée, son regard glissant vers Stéphane Bern, dont la vivacité détonnait dans cette atmosphère feutrée. « Victor, quel plaisir de vous voir ici !»« Ce bal ne serait pas tout à fait le même sans vous !» lança Bern avec une chaleur spontanée, son regard brillant d'une énergie inépuisable. Victor, masquant un sourire amusé, répondit avec une politesse parfaite. « Tout l'honneur est pour moi, bien entendu. Je dois avouer que c'est presque comme si j'attendais ce moment depuis ma naissance. » Arnaud, qui connaissait bien l'ironie de son cousin, se retint de s'esclaffer, ses yeux scintillant d'un amusement complice. La princesse avança alors avec dignité, ses gestes empreints de cette élégance presque théâtrale qui semblait venir d'un autre temps. « Ce soir, vous ferez la connaissance de jeunes femmes venues de tout le pays, » dit-elle avec douceur. « Certaines sont des amies proches de ma famille. Je vous demande d'être respectueux et de faire honneur à vos noms. » Arnaud s'inclina légèrement, l'air affable. « Respectueux, cela va sans dire, votre Altesse. » Victor se contenta d'un léger haussement d'épaule, accompagné d'un soupir discret, que Stéphane Bern ne manqua pas de relever. S'approchant, il glissa avec malice. « Ah, un peu de sincérité dans cette atmosphère guindée, ça change et ça fait du bien. Mais vous savez, ces jeunes femmes ne sont pas que le simple miroir aux alouettes. Accordez-leur une chance, vous pourriez être surpris. » Victor hocha légèrement la tête, réfléchissant à cette remarque. « Je n'en doute pas. Après tout, elles ont été éduquées dans le respect des traditions et la maîtrise des bonnes manières, » répondit-il calmement. La princesse approuva d'un regard, tandis que Bern, toujours souriant, poursuivit avec une bienveillance enthousiaste. « Accordez-moi une faveur, Victor. Piquez-vous au jeu. Accordez au moins une danse, ne serait-ce qu'à l'une d'entre elles. Elle se prépare toute l'année pour ce bal. Alors, si vous ne le faites pas pour vous, faites-le pour ces demoiselles. » Stéphane Bern s'interrompit un instant, son regard pétillant s'attardant sur Victor avec une intensité presque complice. Ce bal, voyez-vous, n'est pas qu'un simple rite mondain. C'est une vitrine, une passerelle vers des opportunités que même les plus sceptiques finissent par reconnaître, déclara-t-il avec un sourire plein de sous-entendus. Victor inclina légèrement la tête en signe d'approbation. « Comptez sur moi, monsieur Bern. Quitte à être ici, je tiendrai mon rôle de prétendant comme attendu, » répondait-il, un brin d'ironie dans la voix. À peine franchis l'entrée de la salle de bal, Victor et Arnaud furent saisis par un spectacle éblouissant de couleurs et de textures. Des jeunes femmes, magnifiquement parées, scintillaient comme des joyaux vivants, chacune vêtue d'une robe élégante et minutieusement choisie. Regroupées par teintes, elles composaient une palette vibrante, blanc immaculé, bleu profond, vert éclatant. Victor arqua un sourcil, intrigué par ces nuances visiblement calculées, dont le sens lui échappait. « Regarde un peu, » murmura Victor Arnaud, « on se croirait dans une boîte de chocolat. Tout est joliment emballé, mais bon courage, pour deviner lequel risque de te laisser un goût amer. Deviner laquelle est la bouchée du roi pourrait s'avérer périlleux, non ?» Arnaud éclata d'un rire franc, amusé par l'ironie mordante de son cousin. « Toujours ton côté scientifique, » répondit-il en secouant la tête. « Toi, tu vois des molécules de cacao là où je vois de possibles conquêtes. » Ils avancèrent côte à côte, se frayant un chemin à travers la foule élégante. Arnaud, d'un geste discret, désigna une jeune femme en robe blanche dont les regards timides trahissaient un intérêt manifeste pour eux. « Tu sais quoi, cousin ? Parfois, il suffit d'en goûter une au hasard. Avec un peu de chance, tu tomberas sur une Manon. Toujours ta praline belge préférée, au fait ? Oui, chocolat blanc, crème au beurre café, une fine couche de praliné, douce, surprenante, parfaitement équilibrée. » répondit Victor avec un léger sourire. « Et de jolies petites noisettes qui bombent son corsage ?» plaisanta Herbauge avec un clin d'œil. Victor eut un rire discret, amusé par la métaphore. « Ou bien sur une de ces ganaches framboises que je déteste, » répliqua-t-il calmement. « Ici comme ailleurs, l'emballage ne fait pas tout. » Arnaud haussa les épaules avec une indifférence feinte, son air désinvolte soigneusement étudié. « Quoi qu'il en soit, Victor, avec ton air mystérieux et ce nœud papillon parfaitement ajusté, je parie que certaines ici se damneraient pour devenir ton dessert préféré. » Victor répondit par un sourire énigmatique, mais il resta pensif. Alors qu'ils serpentèrent parmi les invités, Arnaud, remarquant son air interrogateur, poursuivit d'un ton complice. « Ah, tu es intrigué par cette mise en scène. C'est comme une promenade dans un jardin soigneusement arrangé. Chaque couleur a son rôle, chaque détail est pensé. » Victor releva la tête, intrigué. « Un jardin, dis-tu ? Voilà une métaphore intéressante, mais éclaire-moi, cher botaniste. À quoi correspond chacune de ces nuances ?» Ils s'arrêtaient un instant près d'un grand miroir, dont ils observaient sans être trop visibles. Arnaud prit un air faussement académique, mais son regard pétillait de malice. « Les robes blanches, vois-tu, ce sont les fleurs en boutons, » expliqua-t-il avec un sérieux presque théâtral. « Pures, délicates et pleines de promesses. Elles attirent les regards, mais attention ! Dans ce jardin, elles sont étroitement surveillées par des duègnes vigilantes, prêtes à veiller à ce qu'on ne les cueille pas trop vite. » Cette année, il y en a 19. Ce sont les vraies débutantes. C'est leur grand jour, leur entrée dans le monde. Victor fronça légèrement les sourcils, un sourire flottant sur ses lèvres. En bouton, peut-être, mais je parie qu'elles sont parfaitement conscientes de leur charme. Arnaud d'Herbauge, avec un éclat malicieux dans le regard, ajouta d'un ton léger. Oui, mais bon courage si tu veux en effeuiller une. Victor esquissa un sourire amusé, mais ne releva pas l'allusion. Et les autres couleurs, les bleues, les vertes ? Arnaud désigna d'un geste subtil un groupe de femmes en robe bleue. Les bleues, ce sont les lavandes, continua-t-il, toujours dans sa métaphore botanique. Elles dégagent un parfum irrésistible qui attire les bourdons, mais ne te méprends pas. Elles ne se laissent pas butiner aussi facilement que ça. Elles maîtrisent l'art de capter l'attention avec élégance, tout en gardant leur distance, un équilibre subtil. Elles ont encore du temps devant elles, mais elles savent jouer leur jeu à la perfection. Victor hocha doucement la tête, contemplant les jeunes femmes en bleu avec un nouvel intérêt. Charmantes mais prudentes. Donc, et les vertes ? Arnaud balaya la salle du regard et désigna discrètement une silhouette audacieuse. Les vertes ! Ah, celles-là, ce sont les lierres. Elle cherche désespérément à s'enrouler autour d'un pilier solide. Pas pour grimper haut, mais pour s'ancrer quelque part. Elles n'ont plus le luxe de jouer les fleurs frivoles. Elles sont des Catherinettes, comme on dit. Leur horloge biologique a pris le dessus sur l'envie de séduire pour le plaisir. Et elles visent des parties sérieuses. Mais attention, cousin, leur détermination est redoutable et elles ne lâchent pas facilement leur proie. Victor éclata de rire, secouant la tête devant l'imagination de son cousin. Alors, selon toi, je dois éviter les blanches pour leur fragilité, les vertes pour leur insistance et me concentrer sur les bleus. Arnaud se les épaules avec une désinvolture calculée. Exactement, les bleus, ce sont les fleurs idéales, charmantes sans être redoutables. Victor secoua la tête avec amusement. Arnaud, ton petit manuel de botanique mondaine est un chef-d'œuvre. Un jour, je te défierai d'en faire un traité complet. Arnaud éclata de rire à son tour. Peut-être bien, mais pour l'instant, contentons-nous de ce jardin. Chaque fleur ici a ses secrets, et qui sait ce que cette soirée nous réserve? Les deux cousins continuèrent à évoluer dans la salle. Victor, intrigué par les subtilités des codes sociaux que son cousin décortiquait avec tant de malice. Entre légèreté et observation subtile, Arnaud lui offrait une nouvelle manière de voir cet univers mondain, tandis que l'atmosphère du bal battait son plein autour d'eux. Alors qu'ils discutaient, une jeune femme en robe blanche passa près d'eux, flanquée de deux autres en bleu. La démarche mesurée, la tête légèrement inclinée, elle semblait parfaitement consciente des regards qu'elle attirait, mais sans jamais paraître y accorder trop d'importance. Elle leur adressa un sourire poli, presque mécanique, avant de poursuivre son chemin. Victor, en retour, lui lança un regard impassible, retenant de justesse un soupir. « Il n'y a rien de pire que de se retrouver spectateur de ce bal mondain, » murmura-t-il, désabusé. « C'est un défilé de convenances, une suite d'apparences soigneusement orchestrées. Et dire que je suis ici pour faire bonne impression. Rien que cette expression me donne la nausée. » Arnaud, toujours prêt à dégainer sa légèreté, secoua doucement la tête, un sourire indulgent aux lèvres. « Allons, cousin, un peu d'enthousiasme. Tu as raté la grande fête des étudiants américains à Cancun pour venir ici, alors ce soir, pas question de jouer les rabat-joie. Imagine que ce bal est ton summer break, et que chaque sourire est une invitation à jouir de la vie. Profite au moins pour le sport. » Victor tendit légèrement son verre de champagne et prit un ton professoral, comme s'il s'adressait à un étudiant peu appliqué. « Tu vois, Arnaud, un vrai summer break, c'est une institution, presque un rite initiatique. Laisse-moi t'éclairer. Des plages dorées, des cocktails servis dans des noix de coco, des bains de minuit et des fêtes sur les étoiles. Là-bas, la seule règle, c'est qu'il n'y en a aucune. Tout l'inverse de ce qui se passe ici. » Avron marqua une pause, levant les yeux vers le plafond doré de la salle de bal, comme pour souligner l'éloignement de cette réalité. « Et surtout, cousin, on parle de bikini californien, de musique qui pulse, et d'un monde où personne n'a besoin de blason ou de titre pour faire son intéressant. » Il se tourna ensuite vers son cousin, un sourire en coin. « Et toi, tu prétends me faire troquer tout ça contre ça ?» Il fit un geste englobant la salle, ses dorures et les jeunes femmes en robe soigneusement choisies. « Un bal mondain, où les seules vagues sont celles que forment les froufrous des robes à crinoline, où le fun consiste à jongler avec des formules de politesse, où les ceintures de chasteté à particules ont remplacé les bikinis. Sérieusement, cousin, il faudrait que tu songes à te faire soigner. » Arnaud éclata d'un rire franc, levant à son tour son verre en guise de capitulation. « Touché, professeur, mais je maintiens, ici aussi, il y a des trésors à découvrir. Il suffit d'un peu d'imagination et d'audace. » Victor hocha la tête en signe de doute, en trinquant avec son cousin. Un sourire narquois illuminant ses traits. « Peut-être bien. Mais je n'ai encore jamais vu un summer break où le sable était remplacé par du marbre. « Très bien, alors, » conseilla-t-il avec un soupir résigné. « Une danse pour chaque couleur, juste pour tester tes théories hautement scientifiques. » Arnaud éclata de rire, une étincelle de triomphe dans les yeux. « Parfait. Et si ma théorie tient, je m'octroie une petite récompense. Après tout, je suis un philanthrope, n'est-ce pas ?» Ils se dirigèrent vers la table du buffet où des coupes de champagne étincelaient sous la lumière des lustres. Les verres, alignés avec une précision militaire, semblaient inviter les invités à une pause dans leurs intrigues mondaines. Arnaud, fidèle à lui-même, se fit resservir un verre par le serveur avec une élégance étudiée. « Le champagne ? » murmura-t-il, en scrutant la foule d'un regard calculateur. C'est l'arme des stratèges. Un verre en main, tu es à la fois dans la place et inaccessible, idéal pour jauger l'adversaire. Victor, levant les yeux au ciel, se décide à reprendre lui aussi une coupe, préférant ignorer la philosophie improvisée de son cousin. Une jeune femme en robe bleu roi venait d'entrer dans leur champ de vision, attirant instantanément l'attention d'Arnaud. Sans un mot pour Victor, ce dernier se dirigea vers elle avec assurance, s'inclina légèrement et engagea la conversation, affichant cet aplomb naturel qui semblait être sa seconde nature. Victor coupa la main, balaya l'assistant d'un regard circulaire. Les éclats de rire feutrés, les conversations polies se mêlaient à la musique en sourdine, tissant une ambiance étrangement solennelle. Tout lui apparaissait comme un opéra, pensa-t-il, où chaque invité suivait une partition avec une précision méticuleuse. Lui, pourtant, restait en retrait, incertain du moment où il devait monter sur scène pour interpréter son propre adagio dans ce vaste spectacle. Son regard s'immobilisa soudain, captivé par une jeune femme qui semblait se distinguer comme une dissonance élégante dans cette symphonie sociale. Une demoiselle en robe blanche, presque effacée au milieu de la foule, avançait avec une élégance discrète. Sa démarche déliée, son pas mesuré, semblait exprimer une volonté de se tenir à l'écart de l'agitation ambiante, ce qui, paradoxalement, la rendait immédiatement remarquable. Cette beauté, songea Victor, ressemblait à une note suspendue dans une mélodie saturée, un éclat de simplicité qui, par contraste, intensifiait la confusion et l'excès alentour. Camille, bien que Victor ignorât encore son nom, portait une robe d'une simplicité presque austère, qui contrastait avec les toilettes plus chargées des autres débutantes. L'éclat immaculé de son vêtement soulignait la grâce naturelle de sa silhouette. Mais ce n'était pas seulement sa tenue qui intriguait Victor. Son expression, calme et distante, semblait contenir une profondeur rare. Ses grands yeux noisettes parcouraient la salle sans chercher à croiser de regard, et ses gestes étaient empreints d'une retenue bien trop naturelle pour être feinte. Victor suivit son déplacement, fasciné par cette aura à part. Lorsqu'elle passa à proximité, il remarqua le léger frémissement de son voile de tulle et la manière dont elle évitait, d'un pas mesuré, les groupes plus bruyants. Elle semblait flotter à travers la foule, étrangère au tumulte des conversations et des regards trop insistants. « Eh bien, qu'est-ce qui te captive à ce point, Victor ?» murmura Arnaud, remarquant l'air absorbé de son cousin. Victor, toujours concentré sur la jeune femme, répondit d'une voix absente. « Elle, regarde-la. Contrairement aux autres, elle ne cherche pas à briller. Pas de minauderie, pas de posture étudiée. C'est comme s'il n'était pas vraiment ici, ou du moins, pas pour les mêmes raisons que toutes les autres. » Arnaud, intrigué malgré lui, suivit la direction de son regard et haussa un sourcil. Il observa la jeune femme qui, après avoir traversé la salle, s'installait avec une tranquillité désarmante sur une banquette isolée. Elle croisait ses mains sur ses genoux, droite et immobile, tout en balayant la salle d'un regard détaché. « Oh, je vois !» répondit Arnaud avec un sourire amusé. « Une débutante mystérieuse qui joue les spectatrices. Intéressant. Peut-être qu'elle espère simplement qu'on la laisse tranquille. » Victor secoua doucement la tête. « Non, ce n'est pas ça. Elle ne cherche ni à se cacher ni à attirer l'attention. Elle est ailleurs. Regarde ses gestes, son regard. Elle ne joue pas le même jeu que les autres débutantes. Elle fixe ses propres règles. Elle n'est pas dans la mêlée. Elle la domine, comme un talonneur qui distribue le ballon et choisit quand aller au contact. » Arnaud, un sourire au coin des lèvres, ne put s'empêcher de plaisanter. « Sous le charme, le cousin, est-ce que je devrais m'inquiéter ? Toi qui es si prompt à te moquer de tout ce cirque, voilà que tu sembles trouver du charme à une belle inconnue silencieuse. » Victor ne répondit pas immédiatement. Il continuait d'observer la jeune femme, sa posture impeccable et son attitude presque irréelle. Elle semblait imperméable à l'effervescence qui l'entourait, comme une île calme dans une mer agitée. « Elle a quelque chose de différent, » murmura-t-il finalement, « une sorte de liberté. » Arnaud éclata de rire, brisant la bulle contemplative de Victor. « Liberté, dans ce bal où même l'air est corseté. Mon cher Victor, tu es incorrigible. Si elle t'inspire autant, pourquoi ne pas aller lui parler ? Je suis sûr qu'en ton approche délicate, lui plairait bien plus que les galanteries balourdes des autres cavaliers. » Victor esquissa un sourire en coin, toujours fixé sur Camille. « Non, pas tout de suite. Il faut savoir observer avant d'agir. Et puis, elle ne semble pas disposée à subir une énième tentative d'approche maladroite. Arnaud leva les mains, capitulant avec élégance. « Comme tu voudras, mais ne tarde pas trop, Vic, ou un autre plus téméraire que toi risquerait de ravir cette merveille. » Victor ne répondit pas, trop absorbé par la jeune femme. Camille, sans le savoir, avait éveillé en lui un mélange d'admiration et de curiosité qu'il n'avait pas ressenti depuis longtemps. Tandis qu'elle restait assise sur la banquette, parfaitement calme et pourtant magnétique, Victor se promit de saisir le moment opportun pour s'approcher. Pas pour la conquérir, non, du moins pas nécessairement, mais simplement pour percer le mystère qu'elle incarnait si parfaitement. Victor se détourna du spectacle des danses pour rejoindre Arnaud, qu'il aperçut un peu à l'écart, accoudé nonchalamment au buffet. Une coupe de champagne à la main, son cousin observait la salle avec une intensité inhabituelle, bien loin de son sourire charmeur habituel. Victor s'approcha en silence, saisissant un verre de jus d'orange, et se plaça à ses côtés. « Eh bien, Arnaud, que fais-tu ici, loin des regards? Tes admiratrices te cherchent sûrement » murmura-t-il avec un demi-sourire. Arnaud haussa les épaules, son regard fixant une jeune femme dansant avec un autre prétendant. Ses cheveux blonds vénitiens, relevés en un chignon élégant, dévoilaient un visage lumineux aux traits délicatement sculptés, où une moue espiègle semblait se mêler à une sensualité douce. Ses lèvres pleines s'étiraient en un sourire éclatant, et son rire cristallin résonnait au-dessus du brouhaha, comme un bouquet final éclairant un ciel de fête. Les admiratrices sont nombreuses, mais elles ont toutes une chose en commun, dit-il en jouant distraitement avec le pied de sa coupe. Celles qui fuient à cause de ma réputation espèrent m'oublier, et celles qui restent se contentent de jouer et de minauder. Aucune ne me voit vraiment pour ce que je suis. Elles regardent ce qu'elles veulent voir, pas ce qu'il y aurait. Victor arqua un sourcil, surpris par cette réflexion. Et que devrait-elle voir, à ton avis ? Arnaud détourna brièvement les yeux de la salle et esquissa un sourire amer. Un homme comme elle, pris dans un rôle qu'il n'a pas vraiment choisi. Mais je suis peut-être meilleur comédien qu'elle ne soit actrice. Ça aide à survivre dans ces cercles, ajouta-t-il en haussant légèrement son verre avant de le reposer sans le boire. Victor, intrigué, suivit son regard et remarqua la jeune femme, radieuse, partageant un moment complice avec son cavalier. Comprenant l'origine de cette gravité soudaine, il hésita avant de parler, mais Arnaud reprit, comme s'il avait deviné ses pensées. « Ce n'est pas qu'elle danse avec un autre, Victor, c'est qu'elle me rappelle ce que je n'aurai jamais. » Victor fronça légèrement les sourcils. « Et qu'est-ce que tu veux dire ?» Un éclat ironique traversa le regard sombre d'Arnaud. « Toi, tu reviens en conquérant, avec des choix, des options. Moi, je suis condamné à rester ici, à jouer un rôle qui m'échappe de plus en plus. » « Mon père ne s'est jamais battu pour que notre nom compte. Maintenant, je dois décider. Est-ce que je reste dans cette ombre ou est-ce que j'essaie d'en sortir? Et si je choisis la seconde option, à quel prix ?» Il se tut un instant, son regard revenant à la jeune femme, puis se tourna vers Victor, une étrange lucidité dans les yeux. « Contrairement à toi, je n'ai pas d'Amérique où refaire ma vie ou de prestigieux laboratoire pour m'échapper. Mon seul terrain de jeu, c'est ici. » Dans ses salons avec ses gens. Et pour que mon nom brille un jour, il faut que je sois plus qu'un figurant. Victor resta silencieux, observant son cousin sous un jour qu'il ne lui avait jamais montré. Derrière le sourire désabusé, la façade du charmeur invétéré, Arnaud révélait une sincérité poignante, une profondeur inattendue. Cet homme, que l'on croyait insouciant et superficiel, portait en lui des blessures et des aspirations qu'il dissimulait sous ce masque de légèreté. À cet instant, Victor vit non plus le séducteur frivole que tous semblaient connaître, mais un homme au cœur battant, vulnérable et peut-être plus attachant encore pour cette fragilité qu'il essayait tant bien que mal de cacher. Plus tard dans la soirée, Arnaud réapparut, triomphant, une assiette de boucher raffiné prélevée au buffet. « Alors » lança-t-il avec un sourire en coin. « Tu as choisi ta première couleur ou dois-je te rappeler les règles de notre petit jeu ?» Victor, tout en prélevant un canapé au foie gras dans l'assiette tendue, posa sur son cousin un regard chargé d'ironie. « Rassure-toi, mentor, je peaufine encore ma stratégie. Ce n'est pas une décision que le prend la légère, tu sais. » Il marqua une pause, esquissant un sourire. « Chaque danse est une équation. Moi, je préfère les résoudre lentement. » Arnaud éclata de rire et leva son verre en guise de salut. « Un choix mûrement réfléchi, Victor. Voilà une idée qui te surprendrait presque toi-même, mais pourquoi pas? Cette soirée nous réserve bien des surprises, il faut croire. Victor hoche la tête, son regard glissant une dernière fois sur la jeune femme en blanc. Peut-être que ce bal, avec son mélange d'absurde et de beauté, méritait bien qu'il s'y investisse. Le jeu était lancé, et même s'il ignorait encore s'il en sortirait gagnant ou non, il était prêt à en savourer chaque instant, comme on savoure un verre de champagne, avec légèreté et une pointe de précaution.